toi. Tu as l'air tellement sûr de toi. Tu fais tout ce qui plaît aux nanas. Mais moi si j'étais une nana, je ne voudrais sûrement pas de toi. Oh moi, je ne suis pas vraiment sûr de moi. Je me trompe avec les nanas. Mais moi si j'étais une nana, j'aimerais bien qu'on se trompe pour moi. J'aimerais bien qu'on se trompe pour moi.